em Lisboa, atrás de um sonho que eu nem sei se vou, tanto quanto nós voávamos. Debaixo dos meus olhos, a francesinha já não tem picante. Isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Bonjour à tous, bonjour Lucie. Bonjour Mathis et bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Pour ce mercredi 8, ensoleillé enfin Lucie. Enfin, il n'y a plus de pluie là, c'est bon. Aujourd'hui. La semaine dernière on l'a appelé et il est venu. C'était grâce à une musique d'une de l'auditrice qui avait mis la musique Petit Génie la semaine dernière. Oui c'est vrai. Et qui nous avait fait en espérant que le soleil allait arriver. Et ben, il est arrivé. On a eu de la chance. On a eu de la chance. On se retrouve aujourd'hui du coup pour notre émission avec vous de 16h jusqu'à 18h avec nos chroniques. À 16h30, dont ta chronique Lucie, qui est... sur les films et séries aussi, possible. Ah, les deux aujourd'hui? Je pense que ça sera mélangé et on fera une série et un film, mais ça sera pas mal. Tu gardes le mystère? Ouais, suspense. Et à 17h30, notre top 3 sur les artistes qui viennent à la Saint-Jean le 6 et 7 juillet. Et donc nous avons diffusé qui était le groupe ou l'artiste que nous faisons aujourd'hui. Et on va vous laisser un peu de temps jusqu'à 16h30 pour savoir si vous avez trouvé grâce aux indices qu'on avait fait à l'émission dernière. Et pour savoir si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, hein Lucie? Oui. Nos réseaux sociaux qui sont? Ah toujours pas, retiens pas. avec vous, oui. Radio. Et ben voilà, t'as réussi. Sur Instagram. Et Facebook. Donc on commence en musique avec Maria Joanne. Maria coppelé. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina a un coppelé e ho trovato l'invasor. Un partisano, take me with ya. N'est-ce pas, Lucie? On a des invités aujourd'hui. On a des invités, deux invités. J'ai que des filles devant moi. C'est génial. T'es le seul garçon. Nous avons Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Mathis et bonjour Lucie et bonjour Lana. Merci pour cette petite invitation pour partager ce bon moment avec vous. Et puis découvrir surtout la radio arc-en-ciel, la radio des Portugais. Oui, un peu. Et bien, merci Sandra d'être venue. Ben, merci à vous. Et bonjour Lana. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis contente d'être là avec vous aujourd'hui. Et bien, de rien Lana. Donc aujourd'hui, vous allez participer un peu à notre émission de radio. Vous allez pouvoir faire des petits jeux avec nous parce qu'on a contacté des petits jeux avec Lucie pour aujourd'hui. Tout à fait. On vous a prévu des petites surprises. Si vous le voulez bien. Bien sûr. Bien sûr. Et bien, on va commencer avec un petit jeu, d'accord? C'est parti. Alors, vous allez devoir, avec Lucie aussi, parce que Lucie aussi, elle doit jouer aussi. Toujours, je joue à tes jeux, Mathis. Tu n'as pas le choix, Lucie. Vous allez devoir choisir votre musique du moment, de l'été, vu qu'aujourd'hui, il y a du soleil. Enfin. Enfin. Oui, on l'attendait. On l'attendait depuis je ne sais plus quand. Oui. Donc, voilà. Donc, vous êtes prêts pour ce petit défi? On est prêts. On vous laisse 20 minutes. Ou même, non, 10. C'est trop... Bon. Pas de souci. Pas de souci. On est déjà prêtes. Hein. Eh bien, c'est parfait. Et Lucie qui aura sa première chronique dans quelques musiques, plus exactement dans 14 minutes. C'est ça. Tu es prête pour... Tu veux dévoiler un petit indice? Je reste sur le premier indice de il y a même pas 10 minutes. Il y aura un film très récent, mais vraiment très très récent, de quelques jours. Et ensuite, une série qui est aussi récente. On reste sur des trucs assez récents quand même. Mais qui sont bien. Oui. Et après, une petite annonce sur quelque chose d'autre. Mais encore en lien avec la chronique, donc film et série. Pas de souci. Bah, on a hâte de découvrir ces petites surprises. Et vous aussi ? Oui, on a hâte. On a hâte. Vous présenter des séries et des films, à ce que j'ai compris. Oui. Donc on verra bien. Et un petit indice aussi pour ma chronique, qui sera à 17h30. On va dire, on va dire que c'est un groupe. Comme ça, on est fixé que ce n'est pas un seul artiste. On continue en musique, les filles, avec CNCO. Essayez de deviner une musique, si vous connaissez ce groupe. J'ai pas trop l'accent, donc bon, ça va pas être... j'aurais dit, il y a le mot lente dans le titre. Non. Bon, à louper. Hey DJ. Ah. On écoute. Loupé. Baby, tu me tienes loco, loco. Tu me encantas si se nota. Ah, ah. Y si tu y yo ya estamos aquí. Hey DJ, póngale la música que le gusta. Una para que se mueve, se luzca. Baile conmigo, solo contigo. Hey, hey DJ, póngale la música que le gusta. Una para que se mueve, se luzca. Baile conmigo, solo contigo. Hey. Si nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo. ¿Quién dice la repito otra vez? Hey. Pa' bailar contigo otra vez. Hey. Y así nos vamos enamorando. Lucie. Et on va demander un dernier indice avant les 16h30. Donc on te laisse donner un dernier indice. Je peux vous donner un petit indice, enfin non, c'est un assez gros indice, sur le film. Il y a une actrice connue qui s'appelle Zendaya, tu dois la connaître, c'est obligé que tu la connaisses. On l'a vue il n'y a pas longtemps sur Instagram pour le Met Gala. Donc elle y est dedans, et je peux même en vrai vous en donner un autre. Dans la série, un acteur connu français qui s'appelle Pierre Niney. Et bah les filles, à vous de deviner aussi. Moi j'ai déjà la réponse. Moi aussi. Mais je vais laisser les auditeurs. Vous connaissez déjà la réponse? Oui, oui, de Pierre Niney, oui, je connais. Et sur le film ou série, l'autre? Moi pour le film, j'ai une idée. Bon, on vous laisse. On attend que les auditeurs appellent et on verra si vous avez la bonne réponse aussi. Pas de souci. Donc on vous laisse nous appeler au numéro que tout le monde connaît et que vous aussi, maintenant, les nouvelles, vous devez connaître. Alors, 02 38 43 50 non. 09. Eh bien, je t'ai trompé. Eh bien, voilà, ça c'est fait. Ah, c'est une identique. Oui, c'est une identique. Une petite tricheuse quand même, regarde les petites notes. On vous laisse nous appeler au 02 38 43 48 00 pour avoir vos réponses. Alors, les filles, on va commencer notre jeu. Donc, on va commencer par. On va faire au hasard. Sandra. Bien sûr, au hasard. Vraiment, ouais. Alors, quelle est ta musique que tu vas nous faire écouter? Alors moi, pour continuer, pour que le beau temps persiste en fait dans la région, j'aimerais écouter Emmanuel au Ritmo do Amor. Désolée pour l'accent. Oh non, c'est bien géré, bien géré. Mieux que nous des fois quand même. Et ben on va écouter ça pour garder le soleil avec nous et danser un petit coup d'oro, les filles. Quelle est ta musique que tu vas nous faire écouter? Alors moi, la musique que j'ai choisie aujourd'hui, c'est Mia de Bad Bunny et Drake. Quand on reste sur de l'anglais. Sur de l'anglais, de l'été aussi. Oui. Comme ça, on est motivé pour cet été et pour garder le soleil. Donc on écoute Mia.

no le hace falta el ID. Ya no deja que la hieran. Se va a buscar de sus amigas que la noche es pasajera. Pa' bailar usa ropa ligera. La atención llama y eso que ni se esmera. Su flow es natural, le gusta inventar. Más conmigo que soy su preferido. Y ella la mía no la voy a cambiar. Su flow es natural, le gusta inventar. Más conmigo que soy su preferido. Y ella la mía no la voy a cambiar. Baila, baila, baila. Ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes que se acabe. Baila, baila, baila. Ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes que se acabe. Cuando pusieron su canción se grabó pa' Insta. Bailando y cantando sola en la pista. Y anda sola, suelta y soltera. Taguea a sus amigas pa' romper la carretera. Y estamos ni bien de fecha. Y dice que hoy se va a emborrachar. Y desde que se dejó la tipa no pare janguear. Ya no quiere nada serio, lo que quiere es vacilar. Y por reggaetón o bachata. Como sea, bebé, tú me matas. Sin censura. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles. Quelques minutes, quoi. C'est pas très grave. Donc, on va commencer avec le premier film. Est-ce que les filles, vous avez deviné, du coup ? Le film, non. Moi, oui, j'ai deviné. Vas-y. Je pense qu'on parle de The Challenger. C'est ça. Bien c'est joué. Ça. T'as réussi à trouver avec le petit indice. Oui, c'est ça. Alors, c'est un film de drame et de romance, sorti le 24 avril 2024, donc très récent. Et je vais vous faire un petit résumé dessus. Durant leurs études, Patrick et Art tombent amoureux de Tashi. À la fois amants et rivaux, ils voient tous les trois leur chemin se recroiser des années plus tard. Leur passé et leur présent s'entrechoquent. Et des tensions jusque-là inavouées refont surface. Et aussi, si vous voulez aller le voir, il est au cinéma actuellement. Actuellement au cinéma. Donc nous allons pouvoir le voir surtout... toutes les plateformes qui existent. Voilà. Et ensuite, donc un film qui est intéressant à voir. Vous allez le voir, les filles ? Oui, pourquoi pas ? Et ensuite, la série. Ensuite, la série. Donc, grâce à mon indice, c'est celui que vous avez réussi à trouver. Oui, c'est la série de Pierre Niney, Fiasco. Oui, c'est ça. Oui. Eh ben bien. Moi, je l'avais pas trouvé. Je rigole, j'avais trouvé. Alors, série de comédie, Fiasco, sortie en 2024 aussi. Il y a une durée de une saison et de 7 épisodes. Et pour le résumé, je vais vous le faire tout de suite. Donc, Raphaël entame le tournage de son premier long métrage, une aventure traversant les époques depuis la préhistoire jusqu'au débarquement en passant par les Vikings, pour rendre hommage à la vie héroïque de sa grand-mère résistante. Pardon. Mais rapidement, les problèmes s'accumulent et le tournage tourne peu à peu à un cauchemar. Et pour cause, quelqu'un de l'équipe tente de saborder son film de l'intérieur. Si je peux préciser, parce que je suis en train de la regarder, c'est beaucoup de... Enfin, c'est de la dérision. C'est vraiment de la dérision, c'est du décalé, quoi. Bah, c'est du Pierre Niney, quoi. Voilà, c'est quelque chose de fiasco. Fiasco. Ouais, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. En tout cas, très bon acteur, Pierre Niney. Hein. Oui. J'aime et beaucoup. Bah, oui. À regarder, du coup, je vais regarder. Si c'est décalé, ça pourrait être intéressant. Comme la série que tu avais présentée la semaine dernière, je crois. Ah oui, c'était Mon Petit Reine. Vous avez regardé Mon Petit Très Reine décalé. Oui, j'ai regardé. C'est, oui. C'est un peu psychopathe, mais bon. On a des avis au moins ici. On a tous des avis. Tous, je pense que tout le monde peut dire que c'est une série assez bizarre. Mm. Ah oui. Décalé aussi, quoi. Ah, très. Oui, mais pas décalé marrant. Ouais. Décalé flippant. Oui, oui. J'ai vu la bande-annonce la dernière fois, j'ai fait oulala. Sachant que l'actrice Martha, la vraie actrice, oui. S'est fait harceler sur les réseaux sociaux. Ouais. Ah mon Dieu. À cause de la série. Bah après, il y a une série sur elle. Enfin, ouais. Quand même. T'apprends qu'il y a une série sur Netflix sur toi. Enfin, non. C'est surtout qu'elle a un personnage assez méchant, en fait, dans la série. Dans le film, c'est psychopathe. Mmh. Dans la série, vraiment. Ouais. Et l'autre série qui était aussi, du coup, une série. La Reine des Flots. Oui. Et vous connaissez ? Oui, oui. Oui. Et non. Alors ? Moi j'ai beaucoup aimé. Enfin, c'est une série qui date de 2018-2019. J'avais regardé dès qu'elle était sortie, elle est super bien. Mais elle est super longue. Ouais. Hein. Ah, ça a longue. Les saisons, saisons 86 épisodes. C'est énorme. Les musiques sont super dedans. En géant. Et ben, on peut écouter de leur musique si vous voulez. Bah, allez. Pas de soucis. En tout cas, c'est bien d'avoir l'avis de quelques personnes qui nous écoutent pour nos tops. Donc les tops des séries de Lucie. Voilà. Et petit plus aussi. Il y a une autre série, donc la saison 3 de La Chronique des Bridgerton, qui sort prochainement. Le 16 mai, il y a la première partie, et le 13 juin, il y a la seconde partie. Donc là, oust, on va regarder la troisième saison. Bientôt. Oh là là, je suis tellement pressée de la voir. J'ai hâte. Moi aussi, j'aime beaucoup cette série. Des fans de La Chronique, si. Donc les livres qui sont sortis aussi, mais qu'eux, ils ont déjà toutes les saisons en fait sont sorties dans les livres. Oui, c'est ça. Donc on espère que les films, non, les séries, pardon, seront bien. Oui. Donc merci Lucie pour ce petit top de films et de séries. Avec plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine encore pour de nouvelles films et séries. Oui. Encore des films ou que des séries? Non, bah là déjà, on a mis un film, pour une fois que j'ai mis un film. La semaine prochaine, il y en aura peut-être aussi des films. J'espère. Tu nous feras des petits indices sur les réseaux sociaux? Oui, si vous voulez. Si vous des voulez. Indices. On continue en musique avec Lion de Major Lazer et de DJ Snake. que nous avons des invités et qu'on reçoit des petites dédicaces, on va vous laisser en faire une. Et on va commencer par la première dédicace que Sandra a reçue. Donc on te laisse l'honneur. Oui, donc c'est une dédicace de Maria pour les petites nouvelles, donc Lana et moi-même, sur une musique d'été de Daniela Henriquez, Danse avec moi. Danse avec moi, une artiste qui va être là le 6 et 7 juillet. Donc on vous attend au défi. On sera là. Et les petites nouvelles, inscrivez-vous pour devenir animatrice. Pas de soucis. C'est noté. Donc on écoute Daniela Henriquez. Daniela Henriquez, qu'on retrouvera, comme je l'ai dit, le 6 et 7 juillet. Alors, vous avez bien aimé la musique ? Moi, j'aime beaucoup. Beaucoup, celle-là ? Ah oui, j'aime, c'est celle que je préfère, d'ailleurs. Moi aussi. Franchement, Daniela Henriquez, on a hâte de la voir. Et pour ça, nous avons une surprise pour vous aussi, mais pour vous tous, ceux qui nous écoutent, pardon. Daniela Henriquez sera présente avec nous, donc le 6-7, ce qui est normal, mais le 22 mai, à la radio avec nous, en compagnie de moi et Lucie. Nous serons là pour l'interviewer, elle passera un peu de moments avec nous, on posera des questions sur ses chansons, sur ses titres. Donc on a hâte d'être le 22 mai pour la retrouver avec nous, pour parler un peu, discuter et écouter son album qu'elle a sorti il n'y a pas très longtemps, il y a 4 semaines, il y a un mois, qui s'appelle Alma. Donc on a hâte de la découvrir, d'autant plus, et aussi de savoir ce qu'elle fait, car elle fait partie d'un groupe de musique qu'on trouvera peut-être bientôt ou peut-être pas, sans surprise. Donc le 22 mai, tout le monde doit noter dans son agenda. On sera à l'écoute. Noté. Et peut-être que nous aurons une autre visite avec nous ce jour-là, mais on n'en dit pas plus, on vous laisse la surprise de qui y aura avec nous le 22 mai. Donc pour ça, on vous laisse être là le présent à nous écouter le 22 mai. On continue en musique avec une prochaine dédicace d'après que Lana fera, donc car vous travaillez toutes les deux, on vous a mis au travail. Lucie, au moins, on vous laisse les dédicaces. En fait, on va plus venir, c'est vous. On va venir, on va vous laisser parler, voilà. car vous le faites, c'est très très bien, vous êtes vraiment à l'aise pour. Mais vraiment, première. Pour une première fois, c'est vraiment bien. Ah, pourtant, on ne l'est pas tant que ça. C'est toujours la première fois. Après, ça va. Et bien, pourtant, ça va. On continue juste en finissant la musique Emmène-moi de Kalema, une musique que je pense que vous aimez, vous. Et après, la dédicace que Lana fera. Et voici le moment de faire la dédicace de l'année. Donc on va t'écouter. Donc c'est Maria qui fait une dédicace pour les vacanciers sur la musique Toum Toum Toum de Bombo Cass. Elle leur dit de bien profiter et leur fait des gros bisous et de bien profiter du soleil. Et ben, elle leur fait des bisous parce que nous aussi on profite un peu du soleil qu'il y a. Alors, le peu de soleil qu'il y a. Aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens en profitent avec la fête de Jeanne d'Arc. Oui. Donc on écoute Toum Toum Toum. Eu ir à tua casa, toma cuidado, estou a chegar. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Vai abrir a porta, acho que é paixão. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Sente a batida do meu coração. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Vai abrir a porta, vai ser bem melhor. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Tu vais conhecer o verdadeiro amor. Para me beijar, vou te conhecer eu ir à tua casa. Toma cuidado, estou a chegar. Prochaine musique, nous avons une dédicace de Lorenzo qui fait un bisou et qui dit je t'aime à toute sa famille, la famille Moutino, la famille Ferrand et la famille Dormant, donc à toute sa famille. Et pour cela, il a souhaité écouter une musique qui est Magic System, Magic in the Air. Ah voilà, je le disais parce que mon anglais et moi, ça fait pas ça. Hein. Donc on écoute Magic System. Feel the magic in the air. Magic. Continuons en musique avec la musique de Flavel et Neto, Yukalochu, Yukalocha. On va donner un petit indice pour tout à l'heure, pour 17h30, qui sera la chronique du groupe, comme lundi j'ai donné au début, du top 3 de cette semaine. Et lundi, ce que je vais donner, qu'est-ce que je pourrais dire? Un membre du groupe fait partie de Radio Arc-en-Ciel et il est animateur. Les filles, est-ce que vous avez trouvé? Bien sûr. Bah oui, bon, c'est en partie grâce à toi que j'ai trouvé. Oui, c'est plutôt simple en vrai. C'est un gros indice quand même que je vous ai dit. Du coup, Lana et Sandra, et Lucie aussi, mais Lucie, on est en vacances aujourd'hui, Lucie. Oui, nous là, on se détend. Lana et Sandra attendent vos coups de fil au numéro de la radio. Donc là, Sandra, on va te laisser le faire. Pas comme la première fois. Non, là, j'ai le bon, c'est bon. Donc le numéro, c'est le 02 38 43 48 00. Donc appelez-nous pour savoir si vous avez trouvé le groupe. On vous attend. Ils vous attendent, ils ont le téléphone devant, ils attendent que ça sonne. Donc qui sera le premier à dire la réponse? On verra bien. On attend. On continue en musique avec une musique qui est sortie il y a 12 jours. De Kay Black et Fringlish Bukam. Hey, yeah, that's good. Ils ont essayé, mais sans faire, il n'a pas marché. De moi, ils ont douté, je suis revenu pour confirmer. Et mon cœur s'est cassé avec l'argent, je l'ai reconnu. C'est Dieu qui m'a donné, mais du ciel, c'était pas tombé. Comme moi, je fais jamais douce, mais j'abuse. Je préfère rester dans ma bulle. Pour reconnaître mon vécu, je garde le silence, moi j'ai mes raisons. Pourquoi toujours tu m'accuses? Toi t'es toujours dans la bulle. Toi, tu mérites qu'on se voit plus. Toi, attention, attention, j'ai monté la tension, tension. La pression, pression, je suis l'homme de la saison, saison. Partout aussi chez moi, je suis comme à la maison, maison. Donc attention, attention, je veux monter la tension, tension. Ils ont essayé, mais ça fait du mal, pas marché. De moi, ils ont douté, je suis revenu pour confirmer. Et mon cœur s'est cassé, avec l'argent, je l'ai recollé. C'est Dieu qui m'a donné, mais tu sais, c'était pas tombé. Ma chérie, montre-toi, les regards sont sur toi. Avec moi ce soir, on va déranger les voisins. Allez, montre-toi, les regards sont sur toi. Avec moi ce soir, on va déranger les voisins. Qui t'a dit que je fais pas les euros? Qui t'a dit que j'ai pas la mélange? Chou, toi buzzer comme Carmelo. Tout ce qu'on touche devient du euro. Je tourne une fois, je relève deux fois. J'ai les bons mots pour te parler. Avec moi, bébé veut rester. Attention, attention, je vais monter la tension, tension. La pression, pression, je suis l'homme de la saison, saison. Partout, c'est chez moi, je suis comme à la maison, maison. Donc attention, attention, je vais monter la pression, pression. Ils ont essayé, mais sans faire, il n'a pas marché. De moi, ils ont douté, je suis revenu pour confirmer. Et mon cœur s'est cassé, avec l'argent, je l'ai recollé. C'est Dieu qui m'a donné, mais tu sais, c'était pas tombé. Ma chérie, montre-toi, les regards sont sur toi. Avec moi ce soir, on va déranger les voisins. Ma chérie, montre-toi, les regards sont sur toi. Avec moi ce soir, on va déranger les voisins. On attend toujours vos appels, Sandra et Lana sont prêtes à vos appels. On a eu un appel d'une réponse qu'on dira après s'il a eu bon ou il n'a pas eu bon, l'auditeur. Donc on continue en musique avec un titre de José Mayo et de Anna Mayo, sa fille, qui est sorti il y a 5 jours, qui s'appelle O Amor Divino. Donc on écoute et on découvre. Quem eu chamo quando nem sei quem sou? Pai, será que sabes o quanto estou agradecida? Cada passo teu sempre foi o que me inspirou. Quando sinto saudade do meu lugar, corro para te abraçar, para ver o teu olhar. Levaremos nossa vida a cantar. És meu sangue, tu és vida, és o meu farol quando eu procuro a direção. És cumplicidade, és minha filha querida, eu estarei aqui para te levar pela mão. Quando sinto saudade do meu lugar, corro para te abraçar, para ver o teu olhar. Levaremos nossa vida a cantar, seguimos nosso caminho, ninguém pode separar. Por ti, meu amor é divino, por ti, vivo a vida sorrindo. Amor Divino, qui était un titre qui fait partie du nouvel album de José Mayo. Donc à écouter pour tout le monde qui adore José Mayo. Donc nous avons eu des appels avec des réponses. Donc Sandra et Lana ont répondu. Et alors, est-ce qu'il y a eu des réponses? Oui, il y a eu une réponse qui était bonne. Et les autres faux? Oui, c'est ça, c'était faux. Et pour la personne bonne, du coup, qu'est-ce qu'elle a gagné? Bah, elle a dit le bon groupe. Et du coup, elle nous a fait une dédicace au passage, qu'on va te laisser faire. Alors, c'est la dédicace de Jeff qui... Je crois que c'est une dédicace de Jeff pour tous les golfeurs qui ont profité du soleil aujourd'hui, qui en ont bien profité. Et du coup, je crois qu'il voulait la musique Benson Boone, Beautiful Things. Tout à fait. Si je ne me trompe pas. Et ben c'est ce qui s'est passé. Jay l'a gagné. Et on va écouter sa musique. Vous êtes prête? C'est parti. Go. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives, he can take away. And I hold you every night. It's a feeling I wanna get used to, but there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Stay. I want you, I need you, oh God. Don't mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. Oh God, I need these beautiful things that I've got. Et nous avons eu un deuxième appel avec la bonne réponse. Donc Maria aussi a eu la bonne réponse. Il est donc le moment de vous révéler qui est le groupe qui va être présent le 6 et 7 juillet et que nous allons faire le top 3. Donc vous les filles, est-ce que vous avez deviné? Oui. Tous. Oui. Lucie, tu devrais le connaître. Oui, bah oui. Allez-y, on vous écoute. Ah, il me semble que c'est Capanegra. Tout à fait, c'est le groupe Capanegra. C'est ce que je pense aussi. Et c'est quel animateur qui fait partie du groupe? Aucune idée. C'est toi qui vas nous le dire, Mathis. J'ai déjà vu à la Saint-Jean, mais je sais pas comment il s'appelle. Il s'appelle Jérôme. Et avec tous ses membres du groupe, que Marilyn, Katia, Dom et tous les musiciens, Bruno et tous les autres, mais je connais pas tous les prénoms encore. Mais c'est donc le groupe qui dont nous allons présenter dans le top 3. On continue en musique, les filles, avec Petit Génie que vous écoutez déjà, qui est la musique et la personne que vous avez appelée la semaine dernière pour appeler le soleil. Donc on la remercie. Et je crois que c'était quelqu'un qui est présent aujourd'hui. Oui, oui, c'est bien moi. C'est ma musique du moment, je ne m'en lasse pas. Et pour moi, c'est la musique de l'été. Assuré. 2024. Et bah, tu nous l'as ramené. Donc, on va l'écouter chaque semaine pour que le soleil y reste. Pas de problème. Donc, maintenant, c'est le moment de préparer un deuxième petit jeu avec vous. Avant, là, on fera après la chronique ou avant. Vous allez devoir me donner, vu qu'on est une radio portugaise quand même, une musique, chacune portugaise, qui vous donne envie de bouger. J'en ai déjà une dans la tête. Donc, à vous. Vous avez droit à tous les artistes, toutes les musiques. Donc on vous laisse quelques minutes pour réfléchir. D'accord, pas de soucis. Et toi aussi, Lucie, hein, parce que tu fais partie de tous les jeux. Je suis en train de réfléchir, mais je sais pas du tout. Et bien, bonne chance. Allez, on écoute Petit Génie. C'est le 4-1, fais-en-un, fais-en-un, fais-en-un, j'arrive et tout s'éteint. Tout est plein, tout est plein. Fais-en-un, je suis pas au Malais. J'ai jeté le chopper dans l'allée. Se caler, je suis légendaire qu'on peut faire caler, c'est pas comme ça. Moi, la nature de mon cœur, tu m'es collé, oh yeah, oh yeah. Moi, la nature de mon cœur, tu m'es collé, oh yeah, oh yeah. Moi, la nature de mon cœur, tu m'es collé, oh yeah, oh yeah. Moi, la nature de mon cœur, tu m'es collé, oh yeah, oh yeah. Parle-moi le verre, ne parle pas de sentiments. C'est pas avec amour qu'on achète des témoins. C'est dommage que mon ex et tes chouchous sont passés. Y'a plus rien à coller quand c'est cassé, c'est cassé.

tu vai, sabe bem, por me ver o que a gente tem a fluir, vai sentir um calor no corpo a subir esta noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda a noite. Aquelas fotos que tu tiras em figuras muito giras e partilhas as maravilhas, porque afinal és como eu e o limite é mesmo o céu. Fazer o quê? Vou beijar, vou dançar, até me cansar toda a noite. Toda a noite. Vou beijar, vou dançar, até me cansar toda a noite. De Sandra. Donc, quelle est ta musique? Bah, tu l'as déjà lancé un petit peu. Un petit peu. Donc, c'est Kalema, Boulaoué, un groupe que j'adore. Incroyable. Ouais, incroyable. Qu'on aimerait bien qu'ils viennent à Orléans au bout d'un moment. Oui, oui, oui, ça serait bien, ouais. On a hâte. Qu'ils viennent peut-être à la radio un jour aussi. Oui. Qui pourrait être intéressant. Donc, on écoute Boulaoué. Todos os patinhos que não sabem bem nadar ficaram na pista a dançar o Boulaoué. É só Boulaoué, inspira Boulaoué. É só Boulaoué, Boulaoué. Vem dançar o Boulaoué. Se não sabes, vais aprender. Não aprendi, vais ter que dançar. Na dança do Boulaoué. Boulaoué. Na dança do Boulaoué. Boulaoué. Jogo-lo com manaquete. Mas não sei se tu vais aguentar. Jogo-lo com manaquete. Sei que hoje vais ter que dançar. Na dança do Boulaoué. Os que não sabem bem nadar ficaram na pista a dançar o Boulaoué. É só Boulaoué, respira Boulaoué. É só Boulaoué, Boulaoué. Vem dançar o Boulaoué. Más solo que lo toque me la quita, yo que más solo que lo toque me la quita, yo que más solo que lo toque me la quita, yo que más solo. Aé, Boulaoué llegó. Aé, Olivier Franca con no. Aé, Boulaoué.

De Ricardo, il nous fait des bisous à tous les animateurs de la radio Arc-en-Ciel et à nous tous qui sommes là, moi, Lucie, Lola qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qu'on fait des bisous de loin. Et pour ça, on va écouter une musique de Capanegra. On vient de finir le top 3 d'aujourd'hui sur le groupe Capanegra, mais nous allons écouter une dernière musique grâce à cette dédicace de Ricardo qu'on remercie et qu'on lui fait des bisous. Donc nous allons écouter Nous sommes Iguaïche de Capanegra de Marilyn et Jérôme. Quando não estou bem e é preciso de te ver, não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Nós somos iguais. Merci, merci à Ricardo encore pour cette dédicace et à tous les animateurs de la radio et pour nous et pour vous. Donc nous avons fini le top 3 sur le groupe Capanegra, donc qui nous retrouverons le 6 et 7 juillet à la Saint-Jean au parc de Vignerolles, comme chaque année à Fleury-les-Aubrais. On va continuer avec une dédicace que je vais laisser faire Lucie. Je vais la faire alors. C'est une dédicace de Maria pour tous les animateurs de la radio et les auditeurs aussi. Et elle leur fait plein de gros bisous et leur souhaite un beau week-end à tous. On la remercie, on lui fait des gros bisous à tous. Merci Maria et gros bisous. Et pour ça, nous allons écouter Nuno Ribeiro, Rosa. Fácil encontrar um grande amor, mas eu descobri assim que ela olhou para mim. Um jeito tão delicado e um cheiro tipo flor. Como é possível? Como é possível? De uma semente sem água nascer uma flor na mão. Yararara, rosa. Sei que não gera nada. No meu jardim tudo que nasce é saudade. Com uma foice e com uma enxada, eu arranquei todas as flores que me lembram de ti. É que nenhuma consegue cheirar melhor do que tu. Desculpa se eu sou insensível, eu só não sei como é possível. Pétala, olha como ela, olha como ela. Deixa-me dar-te uma rosa. Olha como ela, olha como ela. Olha como a pétala pousa. Et nous avons une autre dédicace que Sandra va nous faire. Donc oui, c'est une dédicace de Jeff. Donc encore une fois pour les nouvelles animatrices, donc Lana et moi-même. Je tiens à préciser que nous sommes en stage et nous ne sommes pas animatrices. Et donc, il voulait nous dédicacer la chanson Coldplay, Viva la Vida. Tout à fait. Et on le remercie. On vous remercie à vous encore d'être là. Merci en, à vous. En stage, un peu de voir comment ça se passe à la radio. Voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Car c'est pas ce qu'on pense tout le temps. Non, c'est pas faux. Donc on va on le remercie, on lui fait des bisous et pour ça on va écouter Coldplay, Viva la Vida. Thank you.

nous tous de nous quitter, de se dire au revoir et de se dire à la semaine prochaine. Oui, bah moi je tenais à vous redire merci pour l'invitation. C'était génial. On n'a pas vu le temps passer. Et ça passe vite. Ouais,